Ok. On leur dit des efforts, ils disent ok. C'est de votre ressort, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons? On leur dit ça augmente, ils disent ok. On dit ça augmente encore, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons? On dit c'est la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise. La croissance part en couille, sauvez nos entreprises. Défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux? Allons, vos emplois sont en jeu, allez. Achetez, achetez, achetez, achetez, achetez. Achetez. Ils le font. Qu'est-ce qu'ils sont cons? On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons? On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons? On dit le bonheur à la portée de tous. Un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, regardez, regardez, regardez, regardez. Regardez, on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle de nous tutoyer, de nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Ok. Ok. Ok. On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons? On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons? On dit l'ennemi se cache n'importe où. Surveillez vos amis, restez planqués chez vous. Nos démocraties sont en danger partout. On leur dit insécurité. On dit état policier, allez. Paniquez, paniquez, paniquez, paniquez. Paniquez. Paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, réparer, réparer, réparer, réparer. Réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça tant qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraîne, qu'on les divise, aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. Ok. Ok. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, respirez plus.